fais fine, tu réponds à moi toujours non. Comme il invite à toi pour danser un petit Sega, moi serais bien content, serre à toi contre moi. Mais voilà seulement, tu réponds à moi toujours non. À cause fifine, tu réponds à moi toujours non. Comme il invite à toi pour danser un petit Sega, moi serais bien content, serre à toi contre moi. Mais voilà seulement, tu réponds à moi toujours non. M'y arrive là, mon petit mouchoir dans la main. M'y demande à toi si tu veux danser avec moi. Tu passes la lèvre et tu réponds à moi non. Sinon ça quand m'y vient, faut pas dire moi rien, tu dévies ton talon. À côté toi, ton maman dort dans son coin. Là par elle bien sûr, défend à toi dans cette moi. Elle y voit un beau blabla, la bouquette à moi en travers. Lui-même les en train de danser avec toi depuis de bonheur. Rien, tu dévies ton talent. À côté de toi, ton maman dort dans son coin. T'as pas elle bien sûr, défend à toi dans sa coin. Mais m'y voit un beau global, la fouguette à moi en travers. Lui-même les en train de danser avec toi depuis de bonheur. À cause fifine, tu réponds à moi toujours non. Comme il invite à toi pour danser un petit Sega, moi serais bien content, serre à toi contre moi. Mais voilà seulement, tu réponds à moi toujours non. À cause fifine, tu réponds à moi toujours non. Quand m'y invite à toi pour danser un petit Sega, moi serais bien content, serre à toi contre moi. Mais voilà seulement, tu réponds à moi toujours non. Mais voilà seulement, tu réponds à moi toujours non.